Mafia africaine, I got some love for you. Et je les entends, tous ces zoulous, ils parlent de nous. Qu'est-ce qu'ils en savent des braves? On a galéré grave. Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre histoire? On vient de loin. Passé trop présent, fragile, avenir incertain. Y'a peut-être pas une équipe dans le rap qui est en souffert. Où l'on y était, on y a saigné à cœur ouvert. La preuve, nos frères sont tombés. On rejoint leur tombe pendant que les autres ne font que rapper. Chez nous, c'est l'hécatombe, alors ne venez pas tester l'authenticité de l'équipe la plus respectée par tous les mecs de cité. Si les jeunes nous aiment, c'est parce qu'on leur ressent. Ils souffrent. On souffre. Quand ils meurent, on meurt ensemble. Dehors, tu sais, on n'a jamais été au complet. Argent oblige, y'en avait toujours un qui manquait. Tout comme le Wu-Tang Clan, on déchirait sur scène. Hors de scène, on risquait des grosses peines. En attendant que notre or vienne. Conséquence Rocco, incarcéré, acquis, incarcéré, Jesse, incarcéré, Mister, incarcéré, L.A. assassiné, M.A.T. assassiné. Et quand j'écris ce couplet, Céline du 9-4 est incarcéré. Crois pas que j'en tire une gloire quelconque. Mais comprends que notre histoire, c'est pas une histoire quelconque. Cette histoire, c'est la nôtre. S'y ressemble à la vôtre. Si vous êtes qu'un prix, vous êtes donc des nôtres. Hey, la mafia qu'un prix, c'est un projet, un état d'esprit, un mode de vie et de survie. Avec les plus visionnaires, on voyait loin. Le rêve était africain, les moyens américains. Le premier mot d'ordre pour nous était solidarité. Cela s'est avéré nécessaire pour survivre en cité. En quête du respect, c'est tout ce qu'on train nous céder. Si, si tu en tues un, il en reste plein. Du moins c'est ce qu'on croyait avant que la rue nous broie. Y'a qu'au pied du mur que tu vois, si t'es aussi fort que tu crois. Mafia qu'un fric, Orly choisit Vitry. On rêvait que chaque jeune en Tessie puisse lever la tête et dire je suis mafia qu'un fric. Et sache que il y a des mecs en cavale ou à l'ombre qui sont plus mafia qu'un fric que tous les membres du groupe. T'es fou toi, tu crois qu'on joue toi. Tu crois que la qu'un fric mafia ne faisait que du peurat. La 2001 était une plaque tournante. Les mecs venaient de partout pour pécho de la skunk. Qui n'a pas dit les dans l'équipe à parler. Bagarreurs, agresseurs et les braqueurs de banque. Qu'un fric, des brillards mais pas voyous. Mais dis-toi que les voyous étaient avec et parmi nous. Certains ont choisi le rap, d'autres se sont lancés dans le milieu. Et ils ont payé le prix cher. J'ai toujours de l'amour pour eux. Meurtris dans leur chair. Alors ouais, on s'est blessé, on s'est fait du mal puisqu'aucun de nous n'est parfait. Tout le monde peut reprocher quelque chose à tout le monde. Peut-être que tout le monde doit quelque chose à tout le monde. C'est comme ça dans une famille, la haine est une pauvreté que l'indulgence habille. On s'aime donc on se pardonne, tant qu'il n'y a pas trahison contre une mort d'homme. Que serais-je sans Corona? Que serait Corona sans Mista? Que serait Mista sans la mafia? Mais que serait la mafia sans Manu King? Que serait Rimka sans AP? Que serait le 113 sans Mokobé? Que serait Selim sans Jesse Money? Que serait Hakim sans le D? Que serait Street Lourd sans Moscou? Sans Babtou, généreux et réglo. Ghetto, solidaire de ses rapsides, ses négros. Gros, la mafia qu'un frise n'est pas une couleur. C'est un espoir et une douleur. Parmi nous y'a tout gars. Et ça fait bien longtemps qu'on est tous passés au-dessus de ça. Unis par la misère, foulés, logo. Mais que serait idéal agissant Rocco? À nous tous, plus d'un million d'albums vendus. Qui l'aurait cru, populaire mais jamais vendu? Qui aurait pu penser que le RAP pourrait donner une chance au ghetto français? Mais t'emballes pas, on ne s'en est pas encore sorti. Vise, si certains font des hits, d'autres font encore des litres. Notre histoire a une beauté, dans toute sa cruauté. Elle est unique, n'essaie jamais de nous l'ôter. Que serait la 2001 sans Carlito et sa plume? Qui pleure de poésie et l'amertume? Sans R.O.H. de Zef, quoi a été ma jeunesse? I love you, my man, God bless you. Thug life, que chacun d'entre nous reconnaisse avec humilité tout ce qu'il doit à L.A.S. La mafia qu'un fric, c'est sa mort, sa vie. Jusqu'à la mort parce qu'on croit en la vie. Oh yeah. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Hey. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. Je suis mafia qu'un fric. À travers la voix d'OGB, n'entends-tu pas la deuxième France dire? Je suis mafia qu'un fric. Mafia qu'un fric. C'est pas du rap mais de la survie. Thug life, c'est la vie qu'on a menée. Pardon à tous ceux qu'on a blessés. On n'a pas choisi, oh les Vitry, choisi. On a le cœur en cendres, on a le passé en sang. Oh yeah, on a grandi ensemble. Oh les choisi, Vitry, 113 clans, l'union de mes Lunzo. Cette histoire c'est la nôtre, si elle ressemble à la vôtre, c'est que vous êtes qu'un fri, vous êtes donc des nôtres.